Zigotos. C'est Léno et Pierrot, bienvenue dans cette émission 297 de Goodbye Kevin sur Radio Campus. Bonjour Léna. Bonjour Pierrot, tu m'as l'air en forme. Ouais, super. Super, super. Super, super, c'est parce que c'est un super long week-end qui arrive. Ah, bon, parfait. Bon, encore un. Jusqu'à la vie. Vive la semaine de 3 jours de travail. Allez. Et 4 jours de, on fait rien. Parce que lundi c'est férié. Lundi c'est férié. Waouh, ouais, je l'avais pas du tout. Hein. Dingus, dingus. Dingus, dingus, un peu comme ma sélection. Eh ben alors. Ah ben alors. Mais bah c'est qui là? Mais c'est qui là? Bref, bah moi je vais commencer avec une figure emblématique de la scène shoegaze et britpop, bah britannique justement. On aura ensuite de la new wave italienne des années 80. On aura du jazz progressif autrichien. On va pas beaucoup en Autriche. Hein. Non, non, non. Bah voilà, c'est ce que je me suis dit. On aura ensuite du jazz urbain lyonnais. On aura également encore une autre figure du shoegaze, mais cette fois-ci italien. Une figure du shoegaze depuis la fin des années 2000, on va dire. Et pour finir, si on a le temps, on ira du côté de Nashville pour écouter un petit groupe d'art rock garage, pas piqué des hannetons. Super. Voilà. Ah, comme à chaque fois, super. Ça nous met en appétit. Merci. Appétit musical. Hein. De mon côté, on va commencer par partir sur des bidouillages. Bidouillage venu d'Auckland, rien de péjoratif quand je dis bidouillage. Hein. Non, non. C'est même des choses qu'on aime beaucoup quand ça bidouille, quand ça bricole. Puis après, on va s'énerver vers l'Australie. Ah oui, bah ça m'étonne pas, si c'est un terrain qui s'y prête. C'est clair, t'as raison de le préciser. On ira écouter ensuite un artiste inconnu ou mauvais en communication, mauvais communicant. Ou juste il a la flemme. Je vous dirai pourquoi. Et puis on plongera dans un chaudron de dance et de musique industrielle pour terminer de mon côté sur quelque chose de reggae, de garage, où ça sera la semaine prochaine, on ne sait pas trop. On ne sait pas. Ça dépendra du temps qu'on met à présenter les artistes et puis de nos interactions. Exact. Ça, on ne peut pas prévoir à l'avance. Ah non, non, non. Parce que rien n'est écrit. Bien sûr. Sauf peut-être ma présentation. Elle est écrite ? Oui, elle est un peu écrite. Donc là, on va enchaîner avec un extrait du dernier album d'Andy Bell. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il a commencé sa carrière en tant que guitariste de Ride, groupe phare de la scène shoegaze des années 90. Puis, il a continué en tant que bassiste pour Oasis, pour ne citer que ces deux groupes-là, parce qu'après, il a fait partie de plein d'autres formations. Je précise quand même que le gars, il a largement contribué à la production et à la composition de nombreux titres de ces groupes-là. Il n'était pas juste musicien. Du coup, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a commencé sa carrière solo assez tardivement. Parce qu'il a commencé qu'en 2020. Oui, oui. Et moi, je pensais qu'en fait, non, ça faisait longtemps qu'il faisait des choses un peu tout seul, mais non. Et donc, du coup, en 2020, il signe chez Sonic Cathedral. Et on va écouter, nous, de notre côté, Panic Attack, qui est sorti sur son quatrième album, Pinball Wanderer. Et ça, c'est sorti en février dernier. J'avais pas trop fait gaffe. Mais ma foi, c'est très, très chouette. Donc, c'est Panic Attack, le morceau. Et l'artiste, c'est Andy Bell. We'll be right back. C'était Andy Bell avec le morceau Panic Attack. Attention, on attaque. Pas de panique. C'est marrant hein, parce que le morceau il ressemble à des choses qu'on a déjà entendues. Oui. Bon, il reprend la recette aussi qu'il a fait dans tous les groupes où il est intervenu. Bah oui. Hein, c'est ça, comme tu as dit, qui composait. Andy Bell. On part sur un style différent avec Cuneiform Tabs, qui eux utilisent des méthodes de production plutôt lo-fi. En tout cas, c'était leur recette de leur premier album. Bah, ils font la même chose sur le deuxième. Deuxième album qui s'appelle Age, sorti sur Superior Viaduc. Et ça fait un côté d'album plutôt pop, mais assez bizarre. C'est pas au premier abord, tu te dis pas que c'est pop, peut-être parce qu'il y a des côtés drone, des guitares acoustiques, des boucles, et un peu du... Tu prends des petits bouts, quoi, des bricolages. Quoi, oui, hein, c'est ça, la bidouille. La bidouille. Donc il y a un petit côté My Bloody Valentine, Animal Collective ou encore Cindy Lee. Ça fait une brume psyché-pop bien cool. Et là, pour la petite histoire, c'est un duo à la base, hein, un duo d'Oakland, donc dans la West Coast, vers San Francisco. Oakland, je crois que c'est la partie un peu pauvre, tu vois, moins hype de ce côté-là. Et donc à la base, c'est un duo, mais maintenant le duo, il est séparé. Il y a un des musiciens qui vit à Londres. Et du coup, pour composer cet album, ils l'ont fait via un système d'échange de cassettes 4 pistes qui s'envoyaient. Par la poste ? Par la poste, entre San Francisco et Londres. Et donc ça a fait des allers-retours. Tu vois, les cassettes, elles faisaient des allers-retours tant que le morceau n'était pas terminé. D'accord. C'est une chouette histoire. Hein. C'est une chouette histoire, mais bon, ils se sont un peu cassés la tête pour exactement, rien. Exactement, il y a WeTransfer. Selena aurait pu être bonne manageuse. Pragmatique. Voilà. Bien sûr, il aurait pu sortir depuis 2 ans. Mais bon, c'est tout à leur honneur d'utiliser... Ils économisaient des sous en plus. Mais non, les frais de port. Ils utilisent le service public. La poste peut-être. Bah oui, non. Mais bon, c'est entre Londres et Auckland, quand même. Ça doit pas passer par bateau, effectivement. Donc on va écouter 2 morceaux de cet album Age. On va écouter Orbital Rings et après Flush in the Cheeks des Cuneiform Tabs. Pass on through. state of mind can be a brittle space. He's grown both cold and jagged as it spread with age. So it remains unclear, and with much to change, how might I begin to shift and move the frames? C'est un drone ou... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Ah voilà, on est vendredi, mais c'est une musique à écouter le lundi par temps pluvieux, loin de chez vous. On badait. Ça sent le bonheur. Oui. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une compile sortie chez Music From Memory, une compile autour de la pop déviante européenne des années 80. Et je vous avais présenté notamment le travail de Tony Imas avec un très très bon morceau qui s'appelle Pictures of Departure, tu te souviens ? Oui, moi j'ai révisé ma leçon. Ouais. Oui. Alors là, on continue notre exploration de cette compile avec cette fois le groupe Violet Eaves, groupe de New Wave italien, plutôt actif dans les années 80. Le morceau qu'on va écouter, il est initialement sorti en 85 sur leur tout premier EP qui porte le même nom que le morceau. Ce morceau s'appelle Listen Over the Ocean et c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Donc c'est les Violet Eaves, vous allez voir, c'est très très bien. We'll be right back. Que c'était parfait pour faire une petite sieste musicale, ce morceau, et c'est vrai, tu as bien raison, mon petit Pierrot. C'était les Violet Eves avec le morceau Listen Over the Ocean. On a bien ce côté un peu océan avec le petit bruit là qui fait. Exactement. Et quel pays est séparé par 1000 océans ? L'Australie. Après le calme, la tempête avec les Split System, je pense qu'on vous a déjà parlé d'eux avec leur premier album. C'est un groupe qui pourrait être le petit frère du groupe Steve Richards. Steve Richards qui est un groupe énervé également. Et Steve Richards, pourquoi c'est le petit frère ? Parce qu'on y retrouve le guitariste, okay. Tout simplement. D'accord. Et ils font du garage, ils sont australiens, c'est efficace, ça fait bouger la tête et le bassin. Et on va écouter un extrait de leur dernier single, leur double single qui est sorti chez Legless Records. Il s'appelle On the Edge et On the Loose. C'est simple, c'est bien. C'est les Split System. We'll be right back. c'est le rock'n'roll voilà, c'était les tu bons... Tu vas la faire à chaque fois. Je sais pas. En plus, je suis un peu bête, ouais. C'était les split systems efficaces, blablabla, c'est des fous, quoi. Blablabla. Eh bien, on va en Autriche, ça commence un peu pareil, avec un O, mais ah, oui. Pas vraiment. Il n'y a pas de S, il y avait des S. Bah pardon. Oui. Donc on va en Autriche, à Vienne, plus exactement avec le quartet de jazz urbain et progressif formé par les synesthétiques forts. Ça me fait rigoler leur nom parce qu'on dirait vraiment un groupe de boys band des années un peu 80-90. Ouais, mais c'est marrant parce que quand t'as dit leur nom, ouais. Synesthétique fort, synesthétique. Je croyais que c'était un adjectif. Ah. Ou t'sais, pour dire ils sont 27 dans le groupe. Ah oui, oui, oui, non. Non, non. Et du coup, ce groupe, il est mené tambour battant par qui ? Par Vincent Pongratch, je sais pas comment ça se prononce, qui est apparemment un clarinettiste archi connu dans le milieu, mais va savoir, je ne suis pas de ce milieu. Bref, qu'est-ce qu'ils font ? Leur musique, c'est un peu un mélange de funk, de jazz, d'électro, de hip-hop, mais au-delà de ça, j'ai lu dans un article... que c'était comme si leur musique créait une sorte de cinéma dans la tête des gens, avec des mélodies assez joyeuses et limite un peu burlesques. Et je trouve que ça donne une assez bonne image justement de leur musique, parce qu'on va le voir dans le morceau qu'on va écouter, que c'est tout à fait ça. Donc, le morceau qu'on va écouter, il s'appelle Belly, c'est leur avant-dernier single. C'est sorti en mars sur le label Jazz Werkstatt Records. Et c'est les synesthétiques forts, tout de suite. Fort avec le morceau Belly, burlesque. Ah, j'ai l'impression que j'étais au cinoche les yeux fermés. MDR. mon prochain groupe, c'est mon soldat inconnu de la musique. On sait pas qui c'est. Si, on sait son nom quand même, c'est Ren Dogs. Ren Dogs, c'est le nom du 10e album de Tom Waits. Et oui, quand on n'a pas d'infos, et ben on va chercher des trucs qui ont rien à voir. C'est un groupe peu d'infos. Hein. C'est ce que j'ai écrit. Super. Je crois qu'ils sont italiens. Hein, en faisant les recherches, ils n'ont pas sorti d'album, ils ont sorti quelques morceaux, limite une fois par an, et le dernier était le 23 avril 2024. Voilà. Super. Mais en tout cas, ils ont sorti un chouette morceau. Un chouette. Oh là là. Petit retour chez l'orthophoniste en prévision. C'est cool. C'est beau quand c'est chaud. Et donc le morceau, il est bien post-punk, il est bien 80s, il est très chouette. Donc comme je n'ai plus rien à dire, je vais vous dire son nom et on va l'écouter tout de suite. C'est Nights Are Lonely des Ren Dogs. Super. N'oubliez pas leur nom, eux ils ont oublié qui ils étaient. Les Ren Dogs avec leur morceau Nights Are Lonely, sorti en 2023. Eh bien, très très chouette. Et moi, pour ma part, une fois n'est pas coutume, je vous passe un live dans l'émission. C'est d'ailleurs la deuxième fois que je fais ça cette saison, et je crois que c'est la deuxième fois que je fais ça depuis 10 ans, puisque il me semble pas l'avoir fait jusqu'à présent. Non, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui tient les comptes et tout. Ouais, je commence à filer un mauvais coton, je crois. Ouais. Du coup, le morceau, ça s'appelle Shibuya. C'est également un groupe qui mêle hip-hop et jazz, plutôt actuel, c'est un trio. Ils sont lyonnais et leur petit kiff, eux, c'est de caler des espèces de, enfin des samples d'animés japonais de ci, de là dans leurs morceaux. Alors leur première sortie studio est prévue pour ce mois-ci, le mois de juin, avec le label parisien L'Afrique Records. En attendant, on va écouter un extrait de leur album live Neon Air Live Session. Sorti en 2023. Le morceau s'appelle Don The 78TH. Je pensais que tu allais le dire en anglais. Non, Don The 78. Ouais. Voilà. C'est Shibuya. Et en vrai, c'est très très chouette. Thank you. C'était Shibuya avec le morceau Don't The 78th. 78e. Allez. Partons pour un, encore une nouvelle fois, un autre style un peu plus violent avec les modèles actrices qui avaient sorti un album en 2023 qui avait été un peu un choc sur la planète indépendante, underground, pas du tout du rap, même l'opposé. C'est un groupe new-yorkais qui repousse les limites du post-punk, du rock plutôt abrasif et de l'électronique expérimentale. Et ils continuent sur cette vague-là avec leur deuxième album qui s'appelle Pirouette, qui est autoproduit si je ne me trompe pas. Mais je pense qu'il y a un sens de la provocation avec ce mot pirouette. Et eux, ils font quand même un mélange de dance industriel et post-punk, où il y a un côté un peu... On sent une affection pour la musique électronique, pour le côté répétitif, mais aussi pour le chaos et pour le bruit. Je pense que leur concert, ils sont un peu comme Schalk, c'est un peu dans le noir avec des lumières... stroboscopiques. Exactement, merci. Donc un peu trash, un peu brut. Nous, on va écouter le morceau Cinderella et le groupe, si vous avez oublié comment il s'appelle Model Actrice, extrait de leur album Pirouette, Cacahuète. I won't leave as Modèle Actrice, avec un extrait de leur deuxième album dans cette émission 297 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. On enchaîne avec les New Candies qui sont aussi italiens, eux, mais qui viennent de Venise. Ils se sont formés en 2008 et ils marquent la scène shoegaze et psyché italienne depuis quasiment 17 ans. Hein. Leur cinquième album, The Uncanny Extravaganza, il est sorti le 10 mai sur le label Fuzz Club, chez qui ils sont signés depuis un an. Et on va écouter un extrait. Le morceau s'appelle Crime Wave. Avec le morceau Crime Rave. J'arrive jamais à dire crime. Crime. Crime. Crime me a river. Pardon, désolé pour cette petite écartade. Pierrot, qu'est-ce que. On enchaîne avec quoi ? On enchaîne avec. Si vous écoutez l'émission depuis longtemps, vous savez que dès que les beaux jours arrivent, mon amour du reggae revient. Quoi, je l'aime toujours, mais j'ai plus envie de l'écouter sur la période où il fait beau. Eh ben, je vais vous partager mon bonheur avec un morceau, bon, un morceau très connu de Barrington Levy qui s'appelle IA Com. Et on a envie de bouger, de se mettre bien au soleil, de se boire une petite bière. Donc on termine l'émission là-dessus, c'est ça ? Non, on aura le temps quand même de se dire au revoir. Barrington Levy et IA Com pour clôturer cette émission 297. Trouble, double, double, sweet double.